Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le prix Histoire 2017 de la Fondation Stéphane Bern, dans le cadre de l'Institut de France, a été attribué à Raphaël Spina de l'Université d'Aix-en-Provence pour son ouvrage sur l'histoire du STO, publié chez Perrin. Eh bien, Franck Ferrand, qui est membre de ce jury, reçoit aujourd'hui le lauréat. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. STO, un acronyme de sinistre mémoire pour service du travail obligatoire, de quoi rappeler bien des souvenirs à nombre de nos auditeurs. Et bien sûr, quand je dis nos auditeurs, certains pensent à leurs parents, à leurs grands-parents, etc. C'est la première fois qu'un travail de fond envisage ce sujet dans son ensemble et sous tous les aspects. Et vous allez nous raconter aujourd'hui le parcours d'un jeune homme parti pour le STO. Puis à la fin de l'émission, vous reviendrez sur l'origine des couleurs associées aux partis politiques. Oui, dans une période de recomposition politique où l'arc-en-ciel, pour tout vous dire, est un petit peu brouillé. Pour le moment, je vous propose de faire connaissance avec Robert Le Saffre, qui a 20 ans lorsqu'il est requis du STO. Juillet 1943, un train entre en gare de Leipzig, un train très long, grand convoi, plusieurs hommes descendent de là et parmi eux, Robert Le Saffre qui donc a 20 ans, il est fatigué, le trajet depuis Clermont-Ferrand a été interminable, il a une faim terrible depuis le départ en Auvergne, il n'a eu droit, comme ses camarades, qu'à de maigres rations de pain, un peu de margarine, de la marmelade distribuée à la frontière allemande. Et comme eux, Robert va être emmené vers un car. Il monte dans ce car et après 8 kilomètres, il en descend et voit une usine, des baraques en bois alignées, des clôtures de barbelés, des allées sablées. Robert est dirigé vers un bâtiment réservé aux malades. Un médecin l'examine, il est photographié avec une ardoise sur laquelle est inscrit un numéro. Vous voyez que tout ça est quand même bien carcéral. Le sien, son numéro, le 10662. Robert est conduit dans une chambrée. Il y a là des chalits qui sont disposés pour 12 individus. Il fait connaissance avec eux. Il y a là des étudiants, des ouvriers, un fils de paysan, deux autres hommes qui prétendent avoir servi dans les brigades internationales. Et à partir de ce jour, eh bien, la vie de Robert Le Saffre est une vie entre parenthèses d'une certaine manière. Il devient un requis au service du travail obligatoire. C'est ce qu'il va raconter beaucoup plus tard dans son autobiographie « Des bruyères d'Auvergne aux ronces du STO », un ouvrage publié aux Lettres Libres en 1986 et dans lequel il choisit la troisième personne. Il parle de lui, j'allais dire comme César à la troisième personne. Et il a choisi comme prénom pour nous raconter son histoire le prénom de Marcel. Il est né à Paris, Robert. Il a perdu sa mère très jeune, arrivé en Auvergne à 9 ans dans la famille de son oncle. Il a vécu dans une petite ferme d'un village du Cantal. Il a effectué des études tout à fait normales, bonnes études d'ailleurs, préparé le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur. Il veut devenir maître d'école. Seulement, le jour où une lettre lui annonce sa troisième place au concours, en juin 40, inutile de vous dire que l'opinion publique a l'esprit ailleurs. On est en pleine défaite de l'armée française, bien entendu. Il est témoin à ce moment-là de cet exode dont nous avons si souvent parlé, cet exode des familles qui sont passées d'ailleurs par l'Auvergne, par sa région, pour aller rejoindre toutes sortes de régions du Sud. Il a vu ce qu'étaient les privations, le manque de nourriture. Sa vie a basculé. Le gouvernement de Vichy a supprimé les écoles normales d'instituteurs. Robert est devenu maître élève dans un lycée de Clermont-Ferrand. Il est passionné de philo, lui. Il fait du théâtre également et beaucoup de sport, ce qui ne doit pas déplaire à l'ambiance générale du temps. Le 16 février 1943, il est... il faut vous dire que le 16 février 1943, c'est le jour où est instauré le service du travail obligatoire. Je cite Raphaël Spina à ce propos. « Chaque département se voit imposer un contingent à fournir, sans cesse augmenté sous la pression des exigences allemandes. Il doit faire d'abord appel aux oisifs, catégories vagues et peu fournies, puis aux jeunes des trois classes du STO particulièrement bien fournies, car ce sont celles qui ont bénéficié du regain de natalité au sortir immédiat de la Grande Guerre. » C'était le baby-boom de l'époque, d'une certaine manière. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Ce n'est pas dans le texte de Raphaël Spina. Sont exemptés les Alsaciens mosellans vivant hors des départements annexés, ainsi que les ressortissants de 32 professions diverses, dont les agriculteurs, les mineurs de fond, les forces de l'ordre, la SNCF, les cheminots sont cependant requis par un décret spécifique. En principe, le STO dure 2 ans. Pour terminer leurs années d'études et passer leurs examens, les étudiants disposent d'un sursis jusqu'au 1er septembre, plus tard ramené au 1er juillet. Donc Robert est conscient que là, ses études sont compromises ou au mieux reportées. Il a d'abord songé à refuser de partir pour le STO, seulement il a eu peur pour son père, pour son oncle, qui sans doute aurait été révoqué de la fonction publique. Il a donc fini par décider de partir à destination de Leipzig. On est donc à l'été 1943. Le premier jour, sur place, là-bas, dans ces baraquements dont je vous parlais, Robert se porte volontaire pour le travail du bois. Il est vrai que le jeune homme, malgré sa petite taille, est assez costaud. C'est un manuel. En Auvergne, durant son enfance, il a participé à toutes les activités de la ferme. Chercher l'eau du puits, s'occuper des animaux, et etc., etc. Même tourner la lourde manivelle pour barater la crème les jours de beurre ou attraper encore une volaille pour le repas du dimanche. Bref, il se dit que en étant comme ça volontaire pour le travail du bois, ça devrait lui éviter de travailler sur une machine. Et avec un autre requis, il va devoir fabriquer une armoire. Seulement, au bout de 2 semaines, le contremaître s'aperçoit que la fabrication n'a pas avancé. Robert devient perceur dans la métallurgie. Il est embauché ensuite à l'usine Azac comme ouvrier spécialisé. Cette usine fabrique des armes anti-chars. Un seul mot d'ordre, répété, inscrit partout, Arbeit. Et tous ceux qui ont été victimes de cette grande expérience connaissent évidemment ce mot par cœur. Robert travaille sur une énorme machine bruyante, une rectifieuse dont les vapeurs l'empêchent de respirer. Il travaille du lundi au dimanche 12 heures par jour, une semaine en journée et l'autre de nuit. Il est rapidement épuisé par le rythme, surtout lorsqu'il travaille de nuit. Ça lui vaut d'ailleurs un avertissement du contremaître, puis une contravention, une convocation au grand bureau des contrôles. Sa fatigue est liée à l'absence de sommeil. C'est ce qu'il a le plus de mal à supporter. Quand il travaille en équipe de nuit, il est réveillé le jour par ses camarades de chambre, donc il ne peut pas dormir correctement le jour. Voilà ce qu'il écrit lui-même. La sirène de midi le tirait, parce qu'il parle de lui à troisième personne, le tirait de sa paillasse, il enfilait son bleu et courait durant 200 mètres pour parvenir au réfectoire avant la cohue. Il prenait la file au milieu des hommes et des femmes, sans parler car personne ne comprenait personne. Contre un ticket, il ramassait une sorte de saladier rempli d'une ratatouille de légumes verdâtres et il s'attablait pour avaler sa pâtée qui tombait dans l'estomac sans le nourrir. Retour au camp pour essayer de dormir, il n'aurait pu dire si le ciel était bleu ou gris. Il n'avait même pas le courage de lever la tête. Quand il est en équipe de jour, il n'arrive pas à dormir la nuit à cause des fortes démangeaisons provoquées par les punaises qui sont l'ennemi de tous ceux qui sont là dans les chalits. Elles ont envahi la chambrée, ces punaises. Les seuls luxes, si j'ose dire, de Robert sont le menu du dimanche, composé de pommes de terre, d'une boulette de beefsteak et d'une tranchette de gâteau, et puis les colis qu'il reçoit de sa famille, pain d'épices, chocolat en poudre, lentilles. Alors, il relativise ses conditions de vie lorsqu'il voit notamment la situation des femmes ukrainiennes, qu'il qualifie de troupeaux lamentables, avec des haillons enroulés en guise de chaussures. Il a même l'occasion d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. Mais malgré tout, Robert a un objectif, un seul, et cet objectif il est partagé par tant et tant d'autres, par tant et tant de ses congénères. Son idée fixe est la suivante, s'évader. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, cet après-midi, vous nous racontez la vie d'un requis au service du travail obligatoire, Robert Le Saffre. D'après son ouvrage paru en 1986, Des bruyères d'Auvergne aux ronces du STO. Alors on vient de le vivre avec vous, Robert arrive dans une usine de Leipzig à l'été 1943, quelques mois après l'instauration du STO en février de la même année. Est-ce que c'était la première tentative entreprise par les autorités françaises et allemandes dans ce domaine? Alors non, dès l'automne 40, il y a tout de suite des volontaires français qui s'en vont travailler en Allemagne. On en comptera avant l'institution, on en parlait à l'instant avec Raphaël Spina, avant l'institution de la loi de 43, on compte jusqu'à 200 000 de ces travailleurs en fait. Et au total, sur l'ensemble de l'occupation, c'est plus de 700 000. Alors il ne faut pas confondre évidemment les volontaires et les requis du STO qui eux sont forcés. Et c'est bien parce qu'il n'y avait pas assez de volontaires que les Allemands ordonnent au régime de Vichy de passer à l'institution d'un travail obligatoire. Au 4 septembre 1942, il y a eu entre 200 et 250 000 volontaires partir. Voilà. Et à partir de septembre 1942, on passe à la réquisition. Et la loi du 16 février 1943 n'est que la deuxième. à un moment où il est déjà parti entre 250 000 et 300 000 personnes de force. Et le nombre va encore doubler. Alors on va revenir bien sûr sur ces chiffres et sur ces différentes politiques, sur les accords qui sont passés entre les autorités de Vichy et celles du Reich. Au début de l'année 1944, à Leipzig et dans ses environs, les bombardements sont de plus en plus intenses, les alertes retentissent de plus en plus souvent, les 150, parce que la guerre est en train de prendre un tout autre tour, bien entendu. Hein. Les 150 Français du STO qui sont là sur place sont déplacés dans une salle des fêtes, nous raconte Robert, et entre le travail et les alertes, on peut dire que les moments de repos sont quasiment inexistants. Enfin, il y a un petit peu, de temps en temps, on peut jouer aux cartes, on lit un petit peu. Robert en profite pour apprendre l'allemand, d'ailleurs. Et avec un autre camarade, qui s'appelle Tadevin, qui est interprète, et un autre homme, Justin, il va monter un plan pour s'évader. Parce que, je vous le dis encore une fois, s'il apprend l'allemand, ce n'est pas tout à fait pour rien. Ils n'ont qu'une obsession, c'est s'évader. Il va réussir à faire fabriquer de faux documents qui prouvent que l'usine a été bombardée, que les Français ont dû être transférés dans une autre ville, et dans leur périple, donc c'est tout leur subterfuge si vous voulez, et dans leur périple, ils pourront être aidés par deux femmes que Robert connaît, ils obtiennent des billets de train qu'elles leur ont achetés notamment, etc. En attendant, chacun des trois s'arrange pour se retrouver en situation de n'avoir plus, de ne plus pouvoir travailler. Robert va s'ébouillanter la main droite, ce qui l'empêche d'actionner le levier de la rectifieuse dont je vous parlais. Tadevin s'arrange pour devenir aphone, ce qui quand même est assez gênant pour un interprète, vous l'avouerez. Quant à Justin, il réussit à avoir un arrêt de travail pour vertige. Il n'a pas beaucoup à se forcer, le pauvre. Robert raconte toujours. Le 12 mars au matin, tous trois avançaient dans le hall de la gare, perdus dans le grouillement de la foule. Tadevin pressait machinalement les certificats tamponnés et rédigés dans les règles. Ils pénétrèrent sur le quai, au dôme vitré, brisé par les déflagrations des bombes. La locomotive surgit avec fracas et son tourbillon leur coupa le souffle. Marcel songe au fameux loup solitaire pourchassé par le monstre d'éveillé d'antan. Les trois fugitifs n'allaient-ils pas devenir un nouveau genre de gibier ? Le claquement des portières leur fit l'effet d'une déchirure. Ils rangèrent leurs sacs contenant quelques nippes, une lampe torche, des conserves. Tadevin avait même dégoté une boussole. Serré sur une banquette, il semblait absorbé dans la lecture, mais furtivement, ils observaient les quelques passagers du compartiment, sachant que les mouchards pullulaient. Il ne soufflait mot. Un peu plus tard, lors du contrôle des billets, un feldgendarme leur dit qu'il va descendre à la même gare qu'eux, à Kreisheim, et il les accompagne, enfin, il se propose pour les accompagner à la fameuse usine où ils sont censés, vous savez, où ils sont censés rejoindre leur poste. Seulement avant, il va téléphoner à l'usine d'où ils viennent, celle de Hazag à Leipzig. Alors là, inutile de vous dire que ça devient extrêmement difficile, c'est même impossible. Le poteau rose est découvert et bien sûr, Robert et ses compagnons sont arrêtés. Alors il va être avec ses camarades jeté dans un cachot de 3 mètres sur 3 avec des lits de fer et pour seule lumière une lucarne grillagée près du plafond. Robert tombe malade, il va être victime d'une jaunisse. Ses deux compagnons alertent les gardiens, mais ces gardiens ne veulent rien savoir. Le seul repas est toujours cette espèce de liquide marron dans une gamelle 3 fois par jour. Robert n'a même pas droit à une couverture supplémentaire, bien qu'il soit très malade. Et ce n'est qu'au bout de 6 jours qu'enfin il est pris en charge. On va lui donner des tisanes. Ses camarades sont repartis, eux, pour l'usine de Leipzig. Donc on va lui donner leur couverture. Il est soigné à l'infirmerie de la prison. Il est reconduit à son tour à Leipzig par train. Et il va évidemment garder des séquelles de sa maladie, et ce jusqu'à son retour en France, notamment un urticaire extrêmement persistant et gênant. Il écrit « L'effroyable odyssée allait durer 8 jours. Le train freinait et s'arrêtait sans cesse n'importe où. Plus tard, Marcel comprit, Marcel c'est lui, hein, compris pourquoi. Le convoi transportait les indésirables du Grand Reich. Tous les autres trains avaient priorité sur lui. » Au fil des gares, à la manière du petit poussé, il déposait sa cargaison dans tous les camps imaginables, dont le camp 21, dans lequel on ne pouvait survivre que plus de 21 jours, d'où son nom, à moins d'être un surhomme. Se trouvaient mêlés dans chaque wagon des déportés politiques, des bohémiens, des hommes en cavale, des condamnés pour délits de toute nature. Pas étonnant qu'on les enchaînât tels des bagnards. Il est donc menotté lui-même. Il n'a droit deux fois par jour qu'à une tranchette de pain rassis, un carré de margarine, une gamelle d'eau qui passe de bouche en bouche. Et la nuit, il dort avec les autres prisonniers sous un hangar désaffecté ou dans une caserne, enfin comme ça se présente. Robert est si faible qu'il lui arrive de perdre connaissance, ce qui lui vaut des coups de crosse dans les côtes de la part de ses geôliers. Et ce qu'il n'oubliera jamais, c'est que lorsqu'il se trouve avec les autres prisonniers dans le hall de la gare, ce sont les regards méprisants, les regards d'humiliation de la bonne société allemande. Il restera marqué à vie par ces instants et par ces horreurs. Il arrive donc retour, si je puis dire, à Leipzig. Robert arrive dans un camp de travaux forcés, il retrouve ses deux compagnons d'évasion, donc Justin et Tadevin, qui étaient repartis plus tôt. On va le tondre, il est affecté à un travail de terrassement, seulement ce travail, plus la faim, le manque de repos, la situation générale, son état général, tout ça l'épuise. Et lorsqu'il arrive enfin à dormir en pleine nuit, eh bien on organise des séances d'appel. Et à quoi servent-elles ces séances ? À rien, c'est du sadisme pur. Et surtout, il ne sait pas ce qu'il risque pour avoir tenté de s'évader. Donc il vit dans une espèce de peur qui lui tenaille constamment les entrailles. Un matin, pendant l'appel, lui et ses deux camarades d'évasion sont convoqués au grand bureau, donc pour un interrogatoire. Il y a là un type de la Gestapo qui leur demande « Avez-vous le désir de vous enfuir de nouveau ?» Et sans se démonter, les trois opinent de la tête. « Vous savez ce qui vous attend en cas de récidive ?» La mort dans un camp, articule l'un d'eux. Bien, goûte, répond le chef de la Gestapo avec une sorte de grand sourire. Et il ajoute, pour le moment, vous allez regagner l'usine à Zag. Mais attention, on vous aura à l'œil. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire de Robert Le Saffre, cet homme requis au service du travail obligatoire. Et nous nous retrouvons maintenant, il est à Leipzig depuis l'été 1943, nous sommes maintenant le lundi de Pentecôte 44. Oui, alors ce lundi de Pentecôte, l'usine fait relâche, Robert se dit que c'est le moment d'essayer de nouveau. Soudain, après le repas du midi et l'appel, le ciel s'assombrit, l'alerte retentit et de nouveau, ça va être les bombardements. Hein. C'est le quotidien de ces gens, bien entendu, ces bombardements alliés au-dessus de l'Allemagne. Il faut donc au plus vite rejoindre la sortie. Et Robert raconte, au moment de dévaler l'escalier 4 à 4, il eut l'impression qu'une ombre gigantesque cachait le soleil, mais il ne se retourna pas. À peine parvenait-il à son chalet que le sifflement aigu d'un avion en piqué déchira l'air, suivi par le fracas d'un choc qui le fit vaciller. Tout plonge dans une obscurité totale. Une poussière âcre lui colle à la peau. Nouvelle trépidation, nouveau sifflement, nouvelle explosion, un roulement continu de pilonnage rageur. Et c'est un bombardement terrible au cours duquel son ami Tadevin, son compagnon de captivité avec lequel il s'était évadé, va trouver la mort et figure parmi les 50 Français tués sur les 150 que compte ce camp. Le bombardement terminé, Robert a la lourde tâche d'aller extraire justement les corps des victimes. De nombreuses installations du camp ont été touchées, pas le bâtiment, ni d'ailleurs la machine sur laquelle Robert travaille. Et très vite, le travail va donc reprendre. On a l'impression de... C'est une histoire sans fin et c'est effroyable. 3 semaines au camp de concentration des femmes pour y effectuer des réparations, parce qu'il y a eu justement là de très gros dégâts causés par les bombardements. Certaines prisonnières se ruent littéralement sur Robert parce que elles ont besoin de chaleur humaine, si vous voulez. Ensuite, il ira à la ferronnerie pour s'occuper à la fois des postes à la perceuse, à la poinçonneuse, à la forge, etc. Il est désigné ensuite pour aller réparer les voies ferrées qui ont été bombardées à Chemnitz, une ville par ailleurs complètement dévastée. Tout ça est absurde, c'est ce que j'ai besoin de vous le dire. On est dans une atmosphère de fin du monde et on les oblige à travailler toujours plus. Les mois passent, les bombardements ont redoublé. Début 45, des coups de canon se mettent à retentir dans le lointain. Cette fois, on peut penser que la libération n'est plus qu'une question de jour. Et il écrit tout cela. Les chefs d'atelier adressaient maintenant de grands sourires fraternels aux étrangers. Les portraits de Hitler trônant dans chaque bureau disparurent secrètement. Ils ne méritaient que de finir aux chiottes. Le beau chef du camp français avait commencé à se saborder en enlevant épaulettes et décorations de son uniforme. Sous son nouvel air de bourgeois perçait tout à coup un cœur de père pour ces braves petits Français. Ah, Là, évidemment, les choses sont en train de tourner complètement et après plusieurs jours de combat, l'usine est finalement libérée. Les Français, à la hâte, vont confectionner avec ce qu'ils peuvent, hein, des brassards bleu, blanc, rouge pour saluer les libérateurs. Ce sont des Américains dans cette région qui arrivent avec leurs jeeps, leurs mitraillettes pointées au ciel et qui mâchent du chewing-gum, enfin bref, les armées de libération américaines. Et soudain, un tireur isolé prend pour cible une automitrailleuse. La riposte ne se fait pas attendre, les tirs viennent de partout. Et on a beau crier dans ce cas-là qu'on est français, montrer son brassard, etc. Les tirs continuent, Robert court comme il peut dans tous les sens. Et enfin, in extremis, ils arrivent à sortir, à se dégager de la zone de tir et à revenir dans son camp. Et ce n'est que lorsque les Américains seront maîtres de la ville que Robert et les autres du STO de la classe 42 seront enfin transférés dans un camp à l'air libre. Ils seront là mêlés à d'autres travailleurs français. Ça va encore durer 2 mois quand même. C'est en mai 1945 que Robert rentre en France. Un mois après, il reçoit un papier qui stipule qu'il a été déporté en Allemagne. Il reçoit pour 10 jours de tickets de rationnement et 90 jours de tabac. Il a aussi une visite médicale. Et il reçoit de l'entraide française une paire de chaussures, 2 paires de chaussettes et un costume. Toute cette organisation de la libération. Et en attendant de reprendre ses études quand même et de partir se soigner en cure à Vichy, ça ne s'invente pas, Robert se recueille sur la tombe de sa mère. « Ton petit a tant changé que tu le reconnais sans doute à peine, lui dit-il. Par-delà, si j'ose dire. Merci de m'avoir protégé au cours de ces 2 années, mais j'ai encore besoin de ton aide, ma petite maman. Que dois-je faire à présent ? » Eh oui, c'est peut-être la question qui se pose à tous ces travailleurs du STO lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils reviennent. Que vont-ils faire maintenant ? Bonjour Raphaël Spina. Bonjour. Vous nous avez déjà dit quelques mots, mais je ne vous avais pas encore salué. Merci beaucoup non seulement d'être avec nous aujourd'hui, mais d'avoir écrit ce beau livre, cette étude très fouillée, très passionnante, qui fait le point sur un phénomène somme toute relativement méconnu. Ça concerne toutes les familles de France, tout le monde sait ce que c'est que le STO, et pourtant on n'en parle quasiment jamais. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Oui, ce que vous dites est tout à fait exact, et je vous remercie d'ailleurs de cette émission historique en tous les sens du terme, car ce n'est que la 3e depuis 1945 consacrée au STO sur une radio française. Incroyable, hein ? Oui, la première a eu lieu en 1945 lors du retour, la deuxième avec notamment François Cavanna en 1993 à France Culture, la troisième est aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura maintenant beaucoup d'autres. Je le souhaite aussi pour rendre hommage et justice aux victimes du STO qui ont été effectivement très négligées. Elles n'avaient pas suffisamment souffert aux yeux de l'opinion publique du temps, emprisonnées moins longtemps en Allemagne que les prisonniers de guerre, n'ayant même pas combattu en 1940, ayant évidemment infiniment moins souffert que les déportés politiques et juifs. Et puis en 1945, de toute façon, on n'a plus besoin de victimes. On a besoin de combattants et de résistants. Et même lorsque l'âge des victimes viendra à partir en gros des années 1970, les anciens du travail obligatoire ne sont pas suffisamment victimes pour attirer l'attention. Ils apparaissent plutôt comme des anti-héros. Ajoutez à cela qu'on les a très abusivement et injustement assimilés à des volontaires, eux-mêmes excessivement assimilés à des collaborateurs qui n'étaient généralement pas. Mais c'est quand même, c'est d'une double, pour pas dire d'une triple injustice, cette histoire. Alors, nous allons revenir sur l'ensemble de l'histoire du STO. J'aimerais simplement savoir, avant que nous n'entrions dans le détail des choses, comment on fait pour travailler sur un sujet comme celui-là ? Quels sont les types d'archives auxquels vous avez eu recours ? J'ai fouillé partout où je l'ai pu. J'ai beaucoup utilisé les fonds des archives nationales, notamment ceux des ministères, les rapports des préfets de Vichy, d'ailleurs disponibles sur Internet, sur le site de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. J'ai utilisé parfois des archives départementales. J'ai beaucoup rencontré de témoins, notamment ceux de l'ancienne Fédération Nationale des Déportés du Travail, la FNDT. J'ai chez d'anciens résistants souvent glorieux, Raymond et Lucie Aubrac, Maurice Krigel-Valrimont, Charles Gonard, pour leur demander comment ils avaient saboté le STO en leur temps. J'ai été rencontré, bien sûr, ceux qui sont partis, ceux qui ont réussi à rester, des réfractaires, ceux qui se sont parfois échappés d'Allemagne, des permissionnaires défaillants, des évadés, ceux qui ont été au maquis également. Et j'ai bien sûr utilisé les travaux de mes prédécesseurs aussi, notamment ceux de mon regretté collègue Patrice Arnaud, historien de la vie des requis du STO en Allemagne. Alors, nous verrons tout à l'heure, et nous essaierons de finir l'émission de cette façon, nous verrons qu'il y a un certain nombre de controverses, il y a des écoles, si je puis dire. Enfin, c'est un sujet qui n'est pas du tout un sujet neutre, c'est le moins qu'on puisse dire. Avant cela, le mieux, c'est de rappeler, parce que moi j'ai donné l'exemple d'un requis au STO, donc parmi tant d'autres, c'est un exemple, il y aurait autant d'histoires que de personnes, bien entendu, même s'il y a des choses qui se recoupent, c'est évident. Cet exemple nous a permis d'entrer dans le sujet, mais maintenant il faudrait que nous clarifions les choses et que nous disions bien quand, comment, pourquoi nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Un extrait de Jeanne de Georges Brassens sur Europe 1. Georges Brassens, lui-même un ancien du service du travail obligatoire. Qui a été protégé, caché par cette fameuse Jeanne à laquelle il rend hommage. Au cours d'une de ses permissions, il est resté, il n'est pas reparti au STO. Nous sommes au cœur de l'histoire du STO cet après-midi. Grâce à votre invité, nous découvrons plus en détail ce service du travail obligatoire. Vous recevez Raphaël Spina, qui est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire. Il enseigne à l'université d'Aix-en-Provence et il est l'auteur d'Histoire du STO. Théo, paru chez Perrin. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Romain nous dit « Évoquer le STO en cette journée de mobilisation et de grève, c'est du génie. » Oui, du génie involontaire, dois-je le dire, mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. On peut l'admettre. Alors, Raphaël Spillana, un mot peut-être justement sur Brassens, sur les chansons. On a du mal à illustrer une émission comme celle-là, car il n'y a pas de chansons sur le STO, par exemple. Non. Les anciens du STO sur place ont écrit évidemment beaucoup de chansons, mais dont aucune n'a été suffisamment répandue ni n'est passée à la postérité. Georges Brassens a composé ses premières chansons, comme Pauvre Martin notamment, au travail obligatoire à Basdorf près de Berlin. Il devait renouveler assez fréquemment puisque l'auditoire ne changeait pas. Néanmoins, lui-même n'avait pas parlé de son STO. Et ce n'est peut-être qu'indirectement que l'on peut se demander si la chanson pour l'Auvergnat n'est pas aussi remerciement à Jeanne et Marcel Planche qui l'ont hébergé lorsque, comme plus de 100 000 anciens STO, Georges Brassens n'est pas reparti de permission. C'est-à-dire qu'il y avait des permissions et certains permissionnaires restaient cachés pour ne pas repartir. C'est un phénomène énorme. Il y a eu 180 000 permissions accordées par les Allemands et 100 000 d'entre eux, de ces permissionnaires ne sont pas repartis, se sont cachés à domicile, dans des fermes, se sont fait régulariser avec des faux papiers ou des faux certificats médicaux, ou sont quelquefois partis au maquis et entrés dans la résistance. Mais globalement, les Allemands ont bien dû suspendre à la fin toutes les permissions, car plus personne ne repartait. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, ça a fait tache d'huile, et on peut le comprendre. Ne serait-ce que parce qu'il y avait eu l'expérience de ces déplacements, de ces séjours en Allemagne, et qu'on n'avait pas envie du tout de revivre ça. Hein. Les gens qui partaient-ils avec... Et ensuite, nous venons aux éléments de droit. Les gens qui partaient-ils avec une illusion sur ce qui les attendait ? Absolument pas. Le départ en Allemagne était extrêmement impopulaire. Simplement... Lorsque l'on commence à devoir partir, à partir de l'automne 1942, généralement il n'y a que 2 ou 3 jours entre la convocation et le moment du départ. Les alternatives morales, matérielles pour ne pas partir sont encore à inventer. Le flot des départs est considérable, c'est plusieurs milliers de départs par jour pendant des mois. Certains mois ont vu partir plus de 100 000 personnes. Incroyable. Et comment, dans ce cas-là, éviter d'être entraîné par le flot lorsque l'on n'a pas d'alternative, une famille à nourrir, des maquis qui n'existent pas encore, que ce n'est pas en plein hiver qu'on va aller se cacher à la campagne, à supposer qu'on en a eu l'idée sur le coup. Donc beaucoup sont partis la rage au cœur, en criant, en chantant des chansons révolutionnaires, en protestant pour la forme, pour le symbole, en refusant de signer leur contrat de travail, quelquefois aussi, mais en se disant « je ne peux rien faire pour l'instant, mais dès que possible, notamment lors des permissions promises, eh bien, j'en profiterai pour ne pas repartir. D'ici là, j'ai le temps de préparer quelque chose. » Voilà, c'est ça. Et au bout de 6 mois, 1 an, parfois plus, certains ont effectivement réussi à ne pas repartir. D'autres, comme Robert Le Saffre, ont tenté l'évasion, mais c'était très durement sanctionné. Et d'autres, enfin, n'ont pu revenir qu'à la fin de la guerre. Alors, revenons sur les origines de ce STO. D'abord, je disais que dès l'automne 1940, peu de temps après l'armistice, on commence à envoyer déjà des travailleurs en Allemagne. Ça ne fait pas encore partie, c'est pas encore le STO, ça, pour le coup. Non, et puis il ne faut pas confondre les départs volontaires voilà. même s'il peut y avoir des pressions, notamment sur les chômeurs, et les départs contraints. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, dès l'automne 1940, il y a des rafles de main-d'œuvre, comme en 14-18. Dans le reste de la France, c'est essentiellement du volontariat qui est d'ailleurs extrêmement impopulaire. La société française le rejette. On n'a pas l'habitude en France de s'expatrier et encore moins chez l'ennemi héréditaire et chez l'occupant. Juste après la défaite, oui, ça paraît quand même. De surcroît. Et le volontariat français est resté en proportion l'un des plus faibles, sinon le plus faible d'Europe. Et puis après, il y a cette idée, c'est une idée de Pierre Laval, la relève en fait. Expliquons ça peut-être. Tout à fait. Au printemps 1942, l'Allemagne se retrouve engagée dans une guerre totale face à une coalition qui excède très largement ses propres ressources humaines et économiques. Du moment que l'Allemagne a contre elle les États-Unis, l'Empire britannique et l'Union soviétique, elle n'a plus mathématiquement les moyens de gagner. Le rapport de force est beaucoup trop déséquilibré. Et pour remplacer les soldats mobilisés sur le front russe, il faut bien trouver la main-d'œuvre dans les pays occupés, de gré ou de force. Le Gauleiter Fritz Sauckel demande de la main-d'œuvre à la France, qui est le premier réservoir de main-d'œuvre qualifiée en Europe occupée. Pierre Laval l'a d'ailleurs proposé par anticipation comme contribution à la lutte contre le bolchevisme. Et ils conviennent ensemble de la relève, c'est-à-dire dans un premier temps, on passe par la case encore d'un volontariat encouragé cette fois par l'État français qui au départ y était hostile. Et ce volontariat, c'est trois ouvriers spécialistes doivent partir pour faire revenir un prisonnier de guerre paysan. C'est un véritable chantage, là, pour le coup. Hein. C'est exact, et d'ailleurs assez impopulaire. Même dans les campagnes, on est resté parfois dubitatif. Néanmoins, ça a troublé beaucoup d'esprit, et il est arrivé que des anciens STO subissent des pressions pour partir de la part de familles de prisonniers qui disaient « si vous ne partez pas, mon mari, mon père, mon frère, etc. ne reviendra peut-être pas ». Ça a en tout cas brouillé beaucoup de choses dans les esprits. Mais naturellement, le volontariat n'a jamais été suffisant pour satisfaire les appétits allemands. La relève, c'est un simple regain des départs entre le 22 juin 1942 et le 4 septembre 1942. Dès le 4 septembre, devant l'échec évident, Pierre Laval et le Conseil des ministres adoptent une loi qui désigne d'office les volontaires, là, entre guillemets. Là, on peut parler de STO. Là, à la clairement, certains ont utilisé l'expression dès l'époque. Et à partir du 4 septembre 1942, loi qui, pour une fois, a vu quatre ministres refuser initialement de la signer, c'est très rare à Vichy. À partir du 4 septembre 1942, il y a bien des départs forcés. On est désigné d'office et c'est avant tout les ouvriers qui portent le plus lourd poids. Ce qui fait d'ailleurs que les autres groupes sociaux ne bougent pas beaucoup au début. J'ai parlé de février 43 tout à l'heure, c'est que là ça prend encore une autre dimension en fait à partir de février 43. La loi du 16 février a d'ailleurs fait oublier celle du 4 septembre alors que l'une n'a pas moins envoyé de travailleurs en Allemagne que l'autre. Il était déjà parti au 31 décembre 1942, 250 000 personnes, essentiellement de force. Au 16 février 1943, les Allemands après Stalingrad ont encore besoin de main-d'œuvre. Et Puis il y a eu l'invasion de la zone libre après le débarquement d'Afrique du Nord. Et tout ça, le contexte a changé en plus. Hein. Oui, de surcroît, le 11 novembre 1942, l'armée allemande est désormais en zone sud. Or, plus l'armée allemande est présente quelque part, plus les gens obéissent. Ils ont quand même peur, ils savent de quoi les Allemands sont capables. En zone sud, au départ, très peu de gens partent parce qu'il n'y a pas d'Allemands, justement. On a peur un peu du gendarme, mais c'est quand même moins grave. Et le 16 février 1943, l'État français passe désormais au recrutement par classe d'âge. Tous ceux qui sont nés entre fin 1919 et fin 1922, surtout ceux nés en 1922, vont devoir partir, quel que soit leur groupe social et leur métier. Comme pour la conscription, en fait. Hein. C'est le même principe. Oui, officiellement. Ça ne concerne que les hommes, en fait. Hein. Absolument. Et officiellement, le STO est un substitut de service militaire assez original, évidemment. Faire son service en allant travailler pour l'ennemi. Oui. Et pour la seule fois dans l'histoire du travail forcé en Europe, c'est un gouvernement qui, par ses propres lois, envoie sa propre population travailler chez l'ennemi, chez l'occupant. Oui, ça c'est... Alors qu'ailleurs, ce sont des ordonnances allemandes qui en décident. C'est-à-dire que là, mais ça, soyons bien clairs à ce propos, parce que c'est fondamental dans tout ce que vous nous expliquez, ce ne sont pas des réquisitions du... Alors, bien sûr qu'il y a des demandes du côté allemand, mais c'est bien le gouvernement français, en l'occurrence le gouvernement de Vichy, qui organise les choses. Tout à fait, et il faut bien dire que l'administration a été très efficace. Préfet, inspecteur du travail en bonne partie, quelquefois les maires, mais beaucoup ont aussi freiné les réquisitions. L'administration française a réussi quand même, en même pas 9 ou 10 mois, à exiler plus de 600 000 travailleurs forcés. Et le Gauleiter Sauckel, chef du recrutement forcé en Europe, se réjouissait que la France soit le seul pays à avoir satisfait ses quotas zélé, à frais de 100%. Oui. Est-ce que, en pourcentage de la population, la France a contribué beaucoup ou peu au travail en Allemagne? Il faut peut-être préciser ça. Alors, tout dépend évidemment du quota demandé par les Allemands. Ces quotas ont été intégralement satisfaits jusqu'à l'été 1943. Et s'il n'y a pas eu plus de Français à partir, c'est que les Allemands n'en ont pas demandé plus. Après, il est certain qu'en proportion de la population, il y a eu plus de départs, par exemple, de Belgique ou des Pays-Bas. Quant à l'Europe de l'Est, c'est une situation très différente. La violence nazie y est extrême. En Europe de l'Est, par exemple, notamment en Pologne, en URSS envahie, en Ukraine, ce sont les femmes qui sont la majorité des victimes. Et là, les réquisitions se font directement et avec une violence inimaginable, alors que l'Europe de l'Ouest est mieux traitée, car dans l'imaginaire nazi, ce ne sont pas des races aussi inférieures quand même que les Slaves. Mmh. Il y a quand même un malaise qui est lié au fait que ce sont bien des lois françaises qui envoient ces Français travailler dans le pays ennemi et vainqueur, hein, quand même. Oui, et malaise accentué par le fait que confusion qui a duré parfois jusqu'aujourd'hui entre volontaires et requis, confusion aussi entre collabos et volontaires alors que la plupart n'ont aucun engagement politique et fuient juste la misère ou le chômage, et confusion enfin entre le départ pour faire revenir des prisonniers et le départ pour travailler chez l'ennemi. Le fait que ce soit des lois françaises dans un pays qui est quand même très contestataire certes, mais aussi très habitué au légalisme et très habitué à obéir en cas de mobilisation de la main d'œuvre ou de mobilisation de l'armée. Le fait aussi que ce soit un pays qui n'a pas de tradition de guérilla, où on ne s'attend pas à ce que l'État vous expédie en Allemagne au lieu de vous protéger, tout ça contribue évidemment à la confusion des esprits et au malaise. Ajoutez une dernière chose, au moins au début, jusqu'à l'été 1943, on est surtout préoccupé que tout le monde parte à égalité, non pas que tout le monde ne parte pas. Eh oui, ça fait une nuance, évidemment. Tout à fait. Nous allons dans un instant voir quel était le sort de ces travailleurs français en Allemagne pendant la guerre. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand, cet après-midi, vous recevez Raphaël Spina. Il est ancien élève de l'École normale supérieure. Agrégé d'histoire, il enseigne à l'Université d'Aix-en-Provence et il est l'auteur d'Histoire du STO, un livre paru chez Perrin qui a reçu le prix Histoire 2017 de la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine de l'Institut de France. Et vous êtes très nombreux à participer à cette émission. Il y a des témoignages et il y a beaucoup de questions. Alain nous demande sur Twitter avec le hashtag ACDH s'il existe une base de données nominative des travailleurs du STO, son père l'a été et il aimerait avoir plus d'infos. Ça rendrait service à de nombreux auditeurs, je pense. À ma connaissance, non, il n'en existe pas, mais le bureau central des archives du monde combattant à Caen contient de nombreux dossiers nominatifs et cela ne coûte rien de s'y adresser via le ministère des anciens combattants. Alors justement, anciens combattants, monde combattant, vous employez là des mots qui ont longtemps fait un peu polémique, disons les choses. Quel est le statut réel de ces travailleurs français en Allemagne? C'est complexe. Alors, ça. Hein, la question. Est-ce que ce sont des déportés du travail, d'une certaine façon? Alors la question a plus été celle de leur titre, de leur dénomination, oui, que ça, leur statut. Le statut est voté depuis 1950. Mais il a été voté sans titre. Et il n'y a pas eu de titre définitif avant 2008. Car pendant la guerre, chaque fois que l'on parle de déportation, pour la résistance, pour l'opinion publique, pour les alliés et même parfois pour les Allemands, c'est la déportation des travailleurs au travail civil. À la libération, on commence à distinguer déportés du travail et déportés politiques. On ne parle pas beaucoup de déportés juifs alors. Lorsque les survivants des camps reviennent, le mot déportation prend un sens totalement différent, c'est être envoyé dans un camp de la mort. Bien sûr. À ce moment-là, un certain nombre d'anciens concentrationnaires demandent aux anciens STO de renoncer à la dénomination de déportés du travail, et ceux-ci s'indignent car tout le monde les a appelés ainsi, ils n'ont pas choisi ce titre eux-mêmes, et ils ont l'impression qu'on leur enlève le peu qu'ils ont, c'est-à-dire un titre qui est quand même doté d'une certaine aura, d'une certaine compensation pour leur honneur. La querelle va durer au Parlement d'abord, puis en justice ensuite, jusqu'aux années 2000. Il faudra attendre 2008 pour qu'un compromis soit finalement signé et que les requis reçoivent le titre de victime du travail forcé en Allemagne nazie. 2008, hein, donc c'est quand même extrêmement récent. Il a fallu 57 ans pour qu'on accepte ce titre. En fait. 67 ans de querelle et qui ont effectivement... ternit aussi la vie des anciens du STO et contribué à un déficit d'image, puisque les anciens déportés avaient évidemment plus de prestige qu'eux. Mmh. On peut citer un certain nombre d'anciens du STO quand même. Hein. On a dit Georges Brassens, là, mais il y a d'autres célébrités qui oui, ont... le syndicaliste André Bergeron, chef de force ouvrière, l'écrivain Alain Robbe-Grillet, l'humoriste Raymond Devos, François Cavanna, également Bobby Lapointe qui s'est évadé de l'INS et qui s'est caché sous le pseudonyme de Robert Foulcan, ça s'invente pas, et qui s'est fait scaphandrier à la Ciotat pour ne pas être retrouvé. C'est comme dans une chanson, là. Tout à fait. Oui, il y a eu quand même un certain nombre de personnalités. Comte aussi, par Arthur exemple. Comte, oui, futur ministre et chef d'audiovisuel. Oui, il y a eu quand même un certain nombre de célébrités, mais qui n'ont été connues que bien plus tard. Alors, venons peut-être aux questions des conditions de travail, avec une question d'ailleurs, Anissa. Oui, une question d'Aurélie sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Les conditions de vie dont vous parlez pour les personnes étant requises pour l'Allemagne étaient-elles les mêmes pour ceux qui étaient en Autriche ? Oui, naturellement. L'Autriche faisait partie alors de l'Allemagne. Il est à noter qu'aujourd'hui, l'Autriche indemnise les survivants du STO, ce que ne fait pas l'Allemagne. Oui, voilà, c'est ça. L'Allemagne a toujours refusé cette idée d'indemnisation. Oui, elle considère que ce sont les lois françaises qui ont envoyé les requis en Allemagne et qu'après tout, ils n'y ont pas plus souffert que n'importe quelle autre catégorie de population en temps de guerre. Alors justement, souffraient-ils comment et de quoi surtout ? Quelles étaient leurs conditions ? Est-ce que d'abord, il est possible de parler en général de tous les travailleurs du STO ? Parce que chacun avait des conditions un peu particulières par définition. Oui, tout varie selon les Allemands sur lesquels on tombe, selon le lieu de travail, selon la ville et selon l'usine. Néanmoins, dans l'ensemble, les anciens du STO ont massivement souffert, disent-ils dans leur souvenir, de l'ennui, du cafard, comme ils disaient, la déprime, le fait d'être coupés de leur famille et de leur pays, d'être violemment dépaysés. Le travail n'était pas systématiquement pénible. Par contre, les cadences étaient très lentes, ce qui les surprenait. Il y a eu plus eu de bore-out que de burn-out. Autrement dit, on s'ennuyait beaucoup. Oui. Le travail était peut-être moins souvent critiqué que les médiocres conditions de logement et de nourriture, qui étaient cependant très variables. Mmh. Et sur les 25 000 à 35 000 STO qui ne sont pas revenus, la majorité sont morts sous les bombardements. Les autres, c'est des maladies mal soignées, souvent. C'est-à-dire que ces bombardements de la fin de la guerre ont considérablement aggravé les conditions, à tout point de tout vue, à fait. Bien sûr. Hein. Les camps flambaient, évidemment. Les usines étaient saccagées. Et des milliers de STO y ont perdu la vie. Ajoutez à cela donc les maladies mal soignées, les accidents de travail, surtout chez ceux qui n'avaient pas d'expérience ouvrière préalable, et enfin la répression nazie. Ils étaient extrêmement surveillés, pouvaient très difficilement saboter. La moindre erreur, la moindre faute était sanctionnée très durement. Au moins un millier sont morts dans des camps de rééducation pour le travail, 5 ou 6 000 dans des camps de concentration proprement dit, et plusieurs centaines ont été également guillotinés. Ah oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de tentatives d'évasion ? Est-ce que les évadés ont été nombreux ? Entre 20 et 25 000 selon les estimations, mais c'est surtout les permissions entre défaillantes. Entre 20 et 25 000 sur 700 000 en fait, en gros. Oui, sur 650 000 environ. Et il y avait donc une obéissance d'une certaine manière. Et sur quoi s'appuie-t-elle cette obéissance ? Parce qu'on n'a pas affaire à des prisonniers de guerre, là. Comment est-ce que ça... Non, mais ils sont très surveillés. Et ils ont beau en faire le moins possible pour la plupart d'entre eux, ils sont tellement nombreux que le travail finit toujours par être fait. Puis un ouvrier a toujours un peu l'habitude de faire correctement son travail, voilà, quelles que soient les conditions. Et puis il faut comme bien, on dit, on faut bien vivre. On ne se refait pas. Oui, il faut bien vivre, il faut bien se désennuyer, il faut bien gagner un peu d'argent pour vivre et pour sa famille rester au pays. Et puis de toute façon, les Français avaient déjà à l'époque une très forte productivité, ce qui fait que malgré des tentatives d'en faire le moins possible, les Allemands ont été globalement satisfaits de la productivité des travailleurs français, à leur corps défendant. Le STO a joué un rôle indirect, si je puis dire, sur la résistance, oui ou non ? C'est une question qu'on se pose, Raphaël Spina. Oui, bien sûr, mais pas toujours le rôle que l'on croit. Initialement, la résistance est débordée par ce départ massif. Elle organise des grèves, des manifestations comme à Montluçon et Romans-sur-Isère, de la contre-propagande aussi, mais elle n'a pas les moyens matériels de sauver autant de monde. Et sur les 250 000 réfractaires au STO, les trois quarts se sont cachés en ferme, ou encore une minorité à domicile. Parce que de toute façon, on n'a pas les moyens d'héberger autant de monde dans un maquis, de les ravitailler, de les équiper, de les instruire politiquement et militairement. Et moins de 50 000 personnes, finalement, parmi les réfractaires au STO, sont allés au maquis. Et initialement, les résistants sont débordés et ne savent pas comment gérer le maquis. C'est un cadeau empoisonné que leur font les Allemands, en fait. Oui, c'est-à-dire que la question est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraîtrait. On s'imagine qu'avec le STO, d'un seul coup, c'était un moyen considérable pour les maquis de grossir. C'est pas aussi simple que ça, en fait. Non, et d'ailleurs, quand les maquis commencent vraiment à devenir un enjeu en mars 1943, il est déjà parti près de 500 000 personnes. Et voilà, d'ailleurs. Les Allemands étaient tout à fait bénéficiaires, et il faut des mois avant que les maquis soient organisés et capables de passer à l'offensive. Oui, mais ça, c'est bien de le dire, parce qu'on finit par avoir des idées fausses comme ça qui se répandent et qui sont véhiculées. Alors, vient le moment du retour. Extraordinaire, le retour là aussi, quasiment autant d'histoires que de personnes différentes. Oui, ça a été assez épique. Ceux qui ont été libérés par les soviétiques ont dû passer par l'Union soviétique et par le port d'Odessa et ont mis parfois des mois avant de revoir la France, à l'été 1945. D'autres sont partis à pied à la rencontre des armées occidentales, dans un contexte de chaos complet, avec des ruines partout, des cadavres le long des routes... Une migration nomade picaresque digne des temps antiques. Et puis finalement, la prise en charge par les Alliés. Et on rentre très peu en avion, beaucoup par camion et par train. Et on se retrouve à Paris, généralement au Gaumont, au Grand Rex, voilà. Au futur musée d'Orsay aussi. Et puis vient à ce moment-là le seul moment qui compte, c'est-à-dire les retrouver avec les familles. Et est-ce qu'il y a ensuite une solidarité entre anciens du STO? Est-ce que quelque chose se crée de ce point de vue? Oui, la Fédération nationale des déportés du travail, comme elle s'appelle en 1945, créée sous les auspices de François Mitterrand et du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Cette fédération existe jusqu'à nos jours, ce qui est une longévité exceptionnelle. Elle n'a jamais connu de scission, ce qui est très rare. Les anciens du STO se sentaient trop oubliés, marginalisés pour se permettre de se diviser en plus. Et elle a quand même gardé une solidarité jusqu'à la disparition physique de ses derniers membres, même si son principal combat... obtenir le titre de déporté du travail est finalement un échec. Merci beaucoup Raphaël Spina. Vous êtes aussi clair et aussi concis dans votre expression orale que dans votre belle somme sur cette histoire du STO parue chez Perrin et qui a reçu donc le prix Histoire 2017 de la Fondation Stéphane Bern. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, on va parler de l'origine des couleurs en politique. Franck, pourquoi et depuis quand, en politique, on associe la couleur bleue à la droite et la couleur rouge à la gauche? Oui, bon, on commence ça. Par le bleu. Parce qu'il y a l'orange aussi, oui, qui, y a l'orange qui prend de l'importance. Le rose. Il y a le rose, le vert. Oui, le vert, c'est vrai. Je serais presque tenté de dire le gris, mais on m'accuserait de mauvais esprit. Bref, le bleu, en l'occurrence, ça date très largement des élections législatives de 1919. Vous savez, lorsque la droite remporte les deux tiers des chambres, des sièges, on va parler de chambres bleues horizon. En fait, l'utilisation de la couleur bleue a connu pas mal de paradoxes, puisqu'à l'origine, l'uniforme bleu en France a désigné un décor de la maison du roi, bien sûr. Puis, ne l'oublions pas, et on en parlait à propos des guerres de Vendée, l'uniforme républicain, c'était aussi la couleur bonapartiste. Vous voyez que c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Pour ce qui est du rouge associé au mouvement révolutionnaire, on trouve la trace du drapeau rouge avec l'étendard de la République romaine depuis l'Empire romain avec les insignes SPQR, vous savez, Senatus Populus Quae Romanus. Au Moyen-Âge, l'oriflamme de l'abbaye de Saint-Denis, que je sache, était une étoffe rouge garnie de flammes dorées. Pour l'instant, rien de bien révolutionnaire. Le drapeau rouge, par la suite, devient le drapeau du peuple. Sous l'Ancien Régime, un drapeau rouge était hissé au moment où il fallait disperser la foule. Et vous savez qu'après l'arrestation de Louis XVI à Varennes, une foule rassemblée en grand nombre en juillet 91 va proclamer la destitution du roi. Et là, le drapeau rouge est hissé. Voilà des symboles qui, eux, alors là, incontestablement, sont historiques. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.